Elle est funk, il est rock. Elle est groovy, il est baroque. Elle est fantasy, lui belle époque. Et pourtant la magie, c'est qu'ils aient ressenti un choc. Elle est ébène, il est platane. Elle est ivoire, il fume la Marie-Jeanne. Elle est la star, et lui le fan. Et pourtant la magie, c'est qu'entre eux y'a pas eu de panne. Elle est née aux Antilles, lui en banlieue parisienne. Elle est le vrai soleil dans sa grisaille quotidienne. Surtout quand elle oscille et qu'il ne voit plus que ses hanches. De bras et qui balance et promet sexe en avalanche. Elle rayonne, il est dans la lune. Elle s'étonne qu'il ait plus une thune. Puis elle chantonne, la vie, y'en a qu'une. On va pas se la gâcher pour un petit manque passager. Et quand elle rit, le monde est tout blanc. Oui, quand elle rit, il est jaloux de ses dents. Mais le son de son rire fait sourire des anges qui descendent du ciel pour rire avec elle. Elle est née aux Antilles, lui en banlieue parisienne. Elle est le vrai soleil dans sa grisaille quotidienne. Surtout quand elle oscille et qu'il ne voit plus que ses hanches. De brasiers qui balancent et promettent sexe en avalanche. Elle est zouk, lui limite plouc. Elle est braise, lui aime ses charentaises. Elle est spicy, lui reste souvent assis. Mais quand elle danse pour lui, il voyage dans plein de chouettes pays. Elle est mystique, lui pragmatique. Elle croit en la chance, lui en son assurance. Elle aime l'action, lui rêve de stock option. Et quand elle rêve pour lui, il oublie tout et la suit, ouais la suit. Elle est née aux Antilles, lui en banlieue parisienne. Dans sa grisaille quotidienne. Surtout quand elle danse et qu'il ne voit plus que ses hanches. De bras et qui balance et promet sexe en avalanche. Elle est née aux Antilles, lui en banlieue parisienne. Elle est le vrai soleil dans sa grisaille quotidienne. Elle est née aux Antilles, lui en banlieue parisienne. Elle est le vrai soleil dans sa grisaille.